Le Vendée Globe, c'est un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale. C'est une course très réputée, très médiatisée. Mais si tout le monde connaît le Vendée Globe, ce n'est pas seulement parce que c'est la plus grande et la plus difficile des courses de voile. C'est aussi, surtout, parce que le Vendée Globe raconte les plus belles histoires. Des histoires de sport, d'aventure, des histoires de parcours, de projets, des histoires surtout d'hommes et de femmes. Dans ce podcast, j'ai décidé de vous raconter ces belles histoires, de vous proposer chaque mois une rencontre entre deux skippers et de mettre le cap sur le Vendée Globe 2020. Je suis Damien Seguin, skipper de l'IMOCA Groupe Apicil. Je suis Stéphane Odiraison, skipper du bateau Time for Oceans. Je m'appelle Alexis Raison, je suis journaliste et je suis ravi d'accueillir Damien et Stéphane dans le dernier épisode de ce podcast. Et oui, c'est le cinquième et dernier épisode de ce podcast Une Histoire 2, tout simplement parce que l'échéance qu'on attend tous, le départ du Vendée Globe, approche à grands pas. Désormais, ce sera le 8 novembre. Et pour ce dernier épisode, on va s'intéresser à une nouvelle dimension du Vendée Globe, puisque je suis en compagnie de deux skippers qui partent faire un tour du monde en course, certes, mais qui emmènent aussi avec eux dans ce tour du monde un message fort. Damien Seguin, le skipper de groupe Apicil, premier navigateur handisport de l'histoire du Vendée Globe. Salut Damien. Bonjour à tous. Et Stéphane Ledieraison, skipper de Time for Oceans, très engagé, on le comprend dans le nom du bateau d'ailleurs, très engagé dans la protection des océans. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Et merci à toi de nous accueillir aujourd'hui ici à Lorient. On est dans les locaux de ton projet, mais Damien n'est pas complètement dépaysé parce que son projet, lui aussi, vient de déménager à Lorient. Pour commencer, comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement. Je vous demanderai juste après quel regard vous portez l'un sur l'autre. Et je vais commencer par parler de Damien. Donc je le disais, tu vas être le premier skipper handisport de l'épreuve. Tu es né sans main gauche. Ta carrière de marin, tu l'as d'abord entamée en voile paralympique avec un palmarès ultra impressionnant. Champion paralympique aux Jeux d'Athènes en 2004, médaille d'argent aux Jeux de Pékin en 2008 et de nouveau médaille d'or à Rio en 2016. En sachant que dans cette même catégorie, tu as 5 titres de champion du monde, dont un obtenu encore l'année dernière. Mais comme si ce palmarès déjà bien étoffé ne te suffisait pas, tu as aussi gagné un Tour de France à la voile en 2017. Et en parallèle de tout ça, tu as aussi mené une carrière de coureur au large, d'abord en classe 40. Et depuis 2018, tu as intégré le circuit IMOCA, la catégorie de bateau du Vendée Globe. Une course à laquelle tu vas participer pour la première fois cet hiver, à 41 ans. Stéphane, quel regard tu portes sur ce parcours impressionnant, ce double parcours même impressionnant ? Je me rappelle avoir dit à Damien à l'arrivée de la Route du Rhum 2014 que je le trouvais très impressionnant. Et depuis, il s'est écoulé 6 ans et je le trouve encore plus impressionnant. Il est même très désagréable comme compétiteur parce qu'il est malin. Il est toujours dans les bons coups, très régulier. Donc moi, sur l'eau, je m'interroge toujours pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a un handicap, parce que franchement, ça se voit pas du tout. Non, mais blague à part, c'est remarquable parce que ça veut dire qu'il a une capacité d'adaptation très forte. Et franchement, on l'oublie complètement tant il est fort sur l'eau. On va avoir l'occasion et le temps d'en reparler. Stéphane, toi, tu as 44 ans et tu t'engages dans ton deuxième Vendée Globe. Malheureusement, le premier, tu avais dû abandonner en Australie après un peu moins de 50 jours de mer. Ton mât avait cassé. Très vite, tu t'es de nouveau projeté sur 2020 en gardant le même bateau, en l'améliorant considérablement. C'est une dimension importante d'ailleurs de ton projet, de ta vision des choses, de donner plusieurs vies au même bateau, toujours dans l'optique de ne pas surproduire, de ne pas surpolluer. Et on va reparler de tout ça en détail, on a 40 minutes pour ça. Tu mets aussi ton métier originel d'ingénieur au service de cette mission, avec même pour ambition de construire un IMOCA 100% vert en vue de 2024. Damien, l'engagement que porte Stéphane, c'est pas forcément celui qui est le plus mis en avant dans ton projet à toi, mais j'imagine qu'en tant que marin, tu es aussi très sensible à toutes ces problématiques-là. Oui, je suis forcément super sensible à cette problématique-là, et je pense que c'est vraiment un enjeu d'actualité et qu'il le sera encore plus dans les années à venir. Voilà, on sent bien qu'on arrive en butée de plein de choses, que la planète en peut plus d'un certain côté, donc voilà, il faut trouver des solutions pour allier en même temps le sport de haut niveau, le sport populaire et un geste qu'on peut faire envers la planète. Donc voilà, je trouve que la démarche de ses fans, elle est super. Moi, j'ai énormément de respect pour tout ce qu'il fait. C'est un très bon compétiteur sur l'eau. Et voilà, donc c'est vrai qu'on croise le fer avec beaucoup de respect mutuel. Et puis voilà, je pense que là, le Vendée Globe qui s'annonce, ça va être quelque chose de super sympa. Et je suis super content d'être à côté de lui sur la ligne de départ. Alors, on a compris qui vous étiez tous les deux. On a compris quelle thématique et quel message vous embarquiez tous les deux. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la relation que vous entretenez tous les deux en tant que marin et en tant que com également ? Ouais, bah, c'est des relations qui sont assez simples. Hein. Déjà, on s'entend bien. On se tape pas dessus quand on se voit. C'est pour ça que je vous ai réunis aussi. Ouais, c'est toujours un plaisir parce que de naviguer contre Stéphane, on n'a pas l'occasion de naviguer ensemble. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra, pourquoi pas. Stéphane, même question. Quelle relation vous entretenez avec Damien ? On s'entraide, on se file des coups de main. Puis avec Damien, on est allé au-delà puisqu'on a mutualisé un outillage pour refaire nos roofs cet hiver. Et puis, bon, voilà, j'ai arraché un petit peu de matériel lié à des modifications qu'on a fait, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup ce genre de relation parce que je trouve qu'on a tous à gagner en compétition, avoir une certaine mise en commun, ce qui n'empêche pas de croiser le fer sur l'eau, mais on a tous à gagner à être dans une relation comme ça. Je le disais, le Vendée Globe, dont on parle évidemment dans toutes les phrases de ce podcast, approche à grands pas, ça sera dans quelques semaines maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Vendée Globe ? Je vais peut-être d'abord poser la question à Damien, pour qui ce sera le premier. À la base, pour moi, le Vendée Globe, ce n'était pas vraiment un objectif. Quand j'ai commencé à faire du bateau, même un petit peu de course au large, c'est venu en fait au fur et à mesure, voilà, j'ai essayé de faire mes premières armes en Figaro, et après en classe 40, et au final, c'est assez naturellement que je suis arrivé sur un projet IMOCA, et forcément, l'IMOCA mène au Vendée Globe derrière. Donc voilà, ça s'est construit au fur et à mesure, et voilà, pour moi, ça va être mon premier départ de Vendée Globe. Je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé, mais voilà, j'ai essayé de monter un projet correct, qui porte des engagements, et qui sera pas ridicule, je le pense, en termes, déjà sur la ligne de départ. Le but, c'est de réussir à écrire une belle histoire, et elle a commencé déjà il y a quelques temps. C'est quoi le sentiment, la sensation à quelques semaines du départ ? C'est vrai que c'est particulier, hein. Encore plus cette année. j'ai l'impression que voilà, les semaines passent à une vitesse folle, que le départ se rapproche à grands pas. Et finalement, je ne sais jamais si on est vraiment prêt sur ces bateaux-là, en fait. Donc, je peux poser la question à Stéphane, il en a déjà vécu un. Mais voilà, je sens bien qu'il y a l'effervescence qui monte et qu'on est sans arrêt en train de bricoler sur les bateaux. Donc, voilà, j'ai hâte de poser les outils, de mettre le bateau au sable de Lonne et pouvoir vraiment me projeter dans le but de la course. Pour toi, Stéphane, est-ce que c'est ton deuxième Vendée Globe qui arrive ? Est-ce que l'excitation est un peu différente ? Alors maintenant, oui, il y a une différence entre le premier et le deuxième. C'est que le premier, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Déjà, quant à sa capacité à vivre le solitaire, on sait jamais, avant de l'avoir vécu, comment on va réagir face à cette longue solitude. Et puis, il y a toujours, je le pense, hein, pour avoir des échanges avec d'autres skippers, une forme d'appréhension sur le fameux Grand Sud. Et en solitaire, donc comment on va le vivre, comment on va vivre dans la durée ces dépressions qui s'enchaînent. Damien, tu confirmes ces appréhensions, le solitaire et le Grand Sud, c'est les... Bah oui, voilà, moi, c'est les endroits où je ne suis pas encore allé, et puis voilà, je veux dire, le plus long que j'ai fait, c'était des grandes transatlantiques, donc ça n'a pas dépassé les 20 jours de mer, donc c'est, oui, c'est une appréhension, en tout cas, c'est une vraie inconnue. C'est ça qui est très différent avec le Vendée Globe, c'est que c'est pas 15 ou 20 jours, c'est 80 ou peut-être plus. Ouais, voilà, mais ça c'est très excitant. En tout cas, moi je l'ai vécu comme une grande excitation dans la première participation, mais c'est vrai que c'est une inconnue et personne ne sait répondre à la question comment on va vivre avant de l'avoir fait. Et je me rappelle qu'au large de Salvador, c'est l'arrivée souvent de Transat, comme la Jacques Vabre l'année dernière, on connaît. Et après commence l'inconnu. Et c'est super excitant. Et à la fois, chaque jour, il y a l'interrogation. Le ciel commence à se voiler, la mer se forme. On ne sait pas trop où on va, mais on a envie d'y aller, mais tout en se posant la question de ce qui nous attend. Et puis maintenant que j'ai vécu cette expérience, j'ai envie de dire que je vais partir beaucoup plus serein parce que débarrassé de l'appréhension. Pour toi, Stéphane, ça représente quoi, le Vendée Globe ? Pour moi, le Vendée Globe, c'est un peu presque une religion parce que j'ai grandi à Lorient. Moi, j'ai la particularité d'avoir commencé la compétition très tard. J'étais au lycée. Et par contre, d'avoir commencé le solitaire très tôt. C'est-à-dire qu'à 15 ans, je naviguais déjà en solitaire au large. Donc ça, c'est ma particularité. Et mes voisins de ponton, c'était Alain Gauthier et Jean-Luc Vandenède. Alors, c'est des personnes qui se sont illustrées sur les Vendée Globes, mais au-delà de leur classement, parce que c'est pas ça qui me passionnait le plus, c'était cet engagement, cette passion qui mettaient en œuvre en allant au bout de leurs rêves. Donc ça m'a fasciné. Et dès cet âge-là, donc là, j'ai 15 ans, j'ai ancré que je le ferais aussi. Alors à cet âge-là, c'était extrêmement ambitieux, hein. J'avais juste tout à apprendre. C'était même prétentieux de pouvoir imaginer que j'y serais à ce moment-là, mais je me suis donné les moyens. Alors le parcours a été long, hein. C'est compliqué de franchir toutes les étapes pour pouvoir prétendre être au départ et puis après être en condition de prendre le départ de cette course. Et comment ça s'est fait ? Je pense qu'il y a plusieurs déclics. Le premier, c'est quand Tanguy Delamotte y participe en 2012. Et Tanguy, se trouve qu'on a... croiser le fer aussi en mini, puis en classe 40. Et d'un seul coup, ça devient un peu concret, réel, parce que c'est quelqu'un avec qui on avait un niveau, j'ai envie de dire, équivalent. Et puis, on se dit, bah tiens, mais... Pourquoi pas moi ? Et pourquoi pas moi ? Donc, je l'ai suivi avec beaucoup de passion sur sa participation. D'ailleurs, il avait fait quelque chose de très bien. Et puis ensuite, il y a le deuxième déclic où là, je rentre vraiment dans la réalité du Vendée Globe. C'est après la Route du Rhum 2014, où mes partenaires étaient super contents. Et puis, ils me disent, ben, on sait que tu as le rêve de faire le Vendée Globe. Et puis, maintenant, on y va. Et donc, ils m'ont quasiment pris de course. Parce que dans ma tête, c'est 2020, il fallait être encore laborieux et tout. Et donc, ben, à un moment, quand le train est en gare, on monte, hein, puis on réfléchit après. Damien, c'est à quel moment, toi, le déclic pour se dire « Ah oui, tiens, je vais peut-être aussi faire le Vendée Globe. » Ouais, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais je pense qu'après ma deuxième Route du Rhum, pareil, 2014, c'est là que je me suis dit « Oui, la suite, ça se passera certainement en IMOCA et autour de la planète. » Et voilà, ça s'est construit déjà un petit peu comme ça. Voilà, moi, j'avais d'autres objectifs en tête oui. jusque-là. Voilà, toi, en 2016, tu avais aussi les Jeux. J'avais les Jeux en 2016, donc de toute façon, j'avais pas de choix à faire à ce moment-là. Et puis, et voilà, après cette médaille-là, je me suis dit, voilà, je vais mettre le paquet à fond sur la course au large, je mets de côté le Paralympique. Et voilà, donc j'ai franchi le pas. Et puis, il a fallu écrire le projet. Et puis après, aller convaincre des sponsors pour monter l'aventure. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc, on peut dire que ouais, l'histoire, elle est plutôt assez jolie jusque-là. Et elle va continuer à l'être. Bah, j'espère bien, oui. C'est tout l'intérêt et puis tout ce qu'on a envie de monter, voilà, c'est d'écrire une belle histoire au fil des océans. Quand on pense à la course au large, on a souvent l'image d'un sport propre. On pense, on prend des bateaux, on les met sur l'eau, on traverse des océans. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu plus en détail, et je me souviens d'une discussion qu'on a eue ensemble l'hiver dernier au Salon Nautique, Stéphane, tu réfléchis beaucoup aux manières de rendre encore plus propre la course au large, cette discipline. Il y a encore des choses à faire. Ouais, je serais même un peu plus agressif que ça en le propos. C'est pas qu'il y a encore des choses à faire, et puis c'est encore un peu plus propre. Tout est à faire et il faut rendre ce sport propre. Alors, si je nuance un peu le propos, c'est sûr qu'une fois que le bateau est fabriqué, on avance grâce à la force du vent, on peut produire l'énergie avec les hydrogénérateurs, avec des panneaux solaires. Donc là, c'est super, l'empreinte carbone est très faible. Maintenant, si on ouvre un petit peu plus grand les yeux et qu'on regarde ce qui se passe en termes de fabrication et en termes de déconstruction, puisqu'on ne sait pas quoi faire de ces bateaux en fin de vie, enfin, une fois qu'ils sont endommagés, etc., c'est des bateaux, pour l'instant, on ne sait pas déconstruire. Donc, c'est quand même des questions auxquelles il faut répondre. Et bon, moi, j'ai toujours été très sensible à l'environnement. J'ai travaillé dans ce domaine en tant qu'ingénieur. Et un déclic pour avoir envie d'agir, c'était le Vendée Globe 2016, où bien, on a une zone des glaces, d'évitement. Et j'ai eu l'idée saugrenue, à mon retour, de prendre cette zone et de superposer les cartes que je gardais quand je suivais religieusement. Donc en fait, pour expliquer, c'est les zones dans le sud où vous n'avez pas le droit d'aller parce qu'il y a un risque de collision avec des icebergs. Exactement. Et voilà, c'est une zone interdite pour les... Oui, c'est une zone interdite parce qu'effectivement, c'est des morceaux de banquise, donc des icebergs qui se décrochent, qui sont à la dérive, donc c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc sur ce principe-là, tout va bien. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, la banquise a une fâcheuse tendance à fondre un peu plus vite que la normale et des morceaux à devenir un peu plus gros et d'aller de toujours plus en plus nord dans l'hémisphère sud, au point de gêner la navigation des tours du monde à la voile et de devoir mettre en place une zone dans laquelle nous n'avons pas le droit de rentrer. Et donc, quand on prend les cartes d'un Vendée Globe il y a 20 ans, des années 90, 30 ans même, eh bien, on se rend compte que les parcours, les routes qu'employaient les Jean-Luc Vandenède et Alain Gauthier, eh bien, aujourd'hui, elles traversent les champs de glace. Alors, bien sûr, il n'y avait pas d'observation satellite à l'époque, et on pourrait m'opposer, c'est rien de scientifique, ça se trouve, ils passaient au milieu, ils ne voyaient pas, etc. Peut-être, sans doute. Mais n'empêche que je pense qu'avec tous les marins qui y passaient, on aurait eu des récits encore beaucoup plus gratinés avec tous les icebergs qu'ils auraient rencontrés. Et ma conclusion, en tout cas, c'était que c'est évident, en tout cas pour des marins qui naviguent dans ces zones-là, que la propagation des glaces est quelque chose d'inquiétant. Donc on a notre rôle à jouer. On est des ambassadeurs en plus de l'environnement par la nature même de notre activité, puisqu'on on navigue sur les océans, on avance avec le vent, etc. Donc on constate des choses que personne d'autre ne peut constater aussi. Et je pense qu'on a une forme de devoir tous de témoigner des choses qu'on voit. Et là, je serais tenté de dire, ça devient un petit peu inquiétant. Voilà. Il est temps d'agir. Et est-ce que tu sens une différence avec 2016? On a l'impression qu'il y a, bon, déjà dans la société, il y a eu une prise de conscience ces dernières années. Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça se ressent aussi au sein de la flotte IMOCA? Il y a plus de projets qu'il y a 4 ans qui portent ces valeurs-là, comme le tien, dans leur nom, dans les partenaires, dans les actions, évidemment. Je pense à celui de Fabrice Amédéo, de Boris Herman, d'Alexia Barrier, de Benjamin Dutreux. Il y a de plus en plus de projets qui mettent ces valeurs-là en avant. Est-ce que tu sens, est-ce que vous sentez une différence, une prise de conscience aussi parmi les skippers? Alors, pour moi, c'est évident que oui. Je pense que en 2016, j'avais essayé de monter déjà un projet avec ces valeurs-là, je n'y étais pas parvenu, tout simplement parce que je trouvais pas l'accroche avec les entreprises qui voyaient pas encore l'intérêt de s'investir dans une transition développement durable. Et au niveau des coureurs, je me rappelle avoir pris une parole la première fois que j'avais débarqué dans l'AG de la classe IMOCA. Et en gros, ce que j'avais dit présentait fort peu d'intérêt pour l'Assemblée. Et je pense que s'il y a eu des tomates pourries et des légumes, j'en serais pris à la figure. Ça paraissait hors sujet. Et c'était D'accord. Il y a 3 ans. Mmh. Et ensuite, la courbe, pour moi, est une exponentielle. Il y a eu des déclics. Et aujourd'hui, il y a carrément des associations, des communautés de skippers qui se fédèrent pour justement mettre en commun ces idées, ces initiatives. Et moi, je suis très heureux de voir que les projets se multiplient. Et si demain on associait tous à nos projets ces valeurs également, je pense que ce serait une très bonne chose. Damien, t'as pas l'élément de comparaison avec 2016 forcément, mais tu la ressens aussi cette prise de conscience parmi vous? Oui, je la ressens. Ça fait quand même un moment que je gravite dans le monde de la course au large, même en classe 40. Et c'est vrai que ces dernières années, déjà, on en parle beaucoup plus. Oui. Il y a une vraie prise de conscience, surtout sur le fait que voilà, c'est par nos actions individuelles qu'on arrivera à faire quelque chose. Qu'à plus grande échelle, voilà. C'est et on a l'image externe d'un sport propre, mais c'est vrai que si on gratte un peu, on l'est nettement moins. Et je pense que ça commence vraiment à interpeller aussi. Et il y a une vraie volonté pour pas mal de skippers de trouver un petit peu des solutions pour amener notre pierre à l'édifice aussi. Donc voilà, il y a des collectifs qui se montent. Il y a de la réflexion sur comment on donne une seconde vie à nos bateaux. Alors Stéphane et moi, nous, on est bien, nous, on fait naviguer des anciens bateaux de 2008, donc on est parfaitement là-dedans. Mais voilà, il y a aussi des bateaux, voilà, les bateaux peuvent continuer à naviguer, mais la question se pose surtout pour les constructions, effectivement. Comment, dans l'avenir, on construit des bateaux qui ont un peu moins d'impact? Donc on a des solutions. Après, c'est sûr qu'il faut adapter des choses. Et voilà, je pense qu'il faut adapter aussi nos règles de classe de bateaux, notamment l'IMOCA. Je pense qu'il y a un moment, on est sur le devant de la scène, sur le Vendée Globe, on peut aussi porter des messages importants. Et la course à la technologie, elle est bien d'un côté. Je pense que ça se fait aussi intelligemment en faisant un geste pour la planète. Et je pense qu'il ne faut pas opposer non plus l'avancée technologique et le respect de l'environnement. C'est quelque chose qui doit aller ensemble et c'est impératif pour l'avenir. Il faut peut-être expliquer d'ailleurs concrètement, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, à la fabrication et à la déconstruction, concrètement en fait, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pêche? Pour faire très simple, nos bateaux ils sont fabriqués, dans la plupart des cas, pas tout le temps, en fabriquant un moule. Donc un moule c'est le négatif de forme de la coque. Donc cette pièce-là, en général, elle sert une fois, deux fois, trois fois maximum. Enfin, il y a des exceptions, mais pour les bateaux de course c'est souvent une fois, puis ensuite elle est détruite. Purement et simplement. Donc quand on a assisté à ça de ses yeux, sans citer de bateau, ça m'a fendu le cœur, parce qu'on voit un super moule, une super pièce qui a qui a nécessité beaucoup de matière, et puis l'huissier arrive pour constater la découpe de la pièce pour qu'il soit sorti du livre comptable. Et là, on arrive les tronçonneuses et tout, et on fait un massacre, c'est le cas de le dire. Et moi, ça m'a complètement interpellé, je me suis dit, c'est pas possible qu'on soit pas capable de proposer des alternatives. Et en complément de ce que disait Damien, moi je pense que la performance de demain, elle doit être aussi environnementale et que ce n'est pas du tout un frein à la technologie. C'est-à-dire que toutes ces énergies, tous ces ingénieurs, tous ces architectes qui cogitent pour que les bateaux aillent le plus vite possible, ils ont un cahier des charges. Et pour l'instant, il n'y a pas de paramètre environnemental dedans. Si on impose un paramètre environnemental, alors après, il faut en discuter, ce n'est pas si simple que ça, mais ils cogiteront de la même façon. Ils auront juste un cahier des charges différent, mais il y aura les mêmes énergies, la même approche de techno, sauf qu'il y aura aussi d'autres contraintes, et ce sera pas moins intéressant, loin de là. Alors il y a une transition, à un moment, ça peut limiter un peu la performance des bateaux par rapport à des bateaux qui n'ont pas intégré ce paramètre, mais il y a aussi des moyens de le valoriser, il y a aussi des moyens de réfléchir à une transition intelligente. Donc il y a des solutions, il y en a plein. Il manque juste là, encore un peu de volonté pour avancer. Damien, toi concrètement, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour aller dans ce sens-là aujourd'hui et peut-être qu'est-ce que tu espères, comptes mettre en œuvre à l'avenir, parce que je sais que dans ta tête, il y aura d'autres échéances à venir après le Vendée Globe 2020. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu auras envie de davantage mettre en avant encore plus tard ? Oui, c'est clair que j'en ai l'envie. Moi, ce que j'espère, c'est que les discussions au sein de la classe IMOCA, en tout cas, aillent dans le bon sens. Ça a commencé il y a peu de temps de ça, mais ça fait quand même quelques réunions qu'on a sur le sujet. Je pense que la prise de conscience collective, elle existe aujourd'hui, mais voilà, il faut franchir un vrai cap en modifiant certaines règles. Voilà, dans cette classe IMOCA, pour pouvoir intégrer une dose de matériaux renouvelables ou propres. Voilà, après, voir comment on peut le faire. Mais voilà, ce que j'espère bien, c'est que pour l'avenir, on puisse rentrer dans une vraie démarche qui va dans le bon sens. Parce qu'il y a certes... Il y a certes la carotte de la performance qui est toujours devant nous, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est pas le seul enjeu, quoi. Damien, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu maintenant sur ton parcours à toi. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, tu es né à Briançon. C'est loin de la mer. Oui, c'est la question que je voulais te poser. Comment t'es passé de la montagne à la Bretagne ? C'est facile, ça descend. Et je crois qu'en plus, il y a eu un passage par les Antilles, donc il faut que tu nous éclaires un peu sur ton parcours. Oui, c'est vrai que c'est assez sinueux. Moi, je suis né à Briançon pour la double et simple raison que mon papa était guide de haute montagne à Chamonix. Et on a déménagé tous en famille en Guadeloupe à l'époque. J'avais 10 ans, donc moi qui étais forcément un passionné des sports d'hiver ou de la montagne l'été, etc. Il a fallu que je trouve d'autres activités. Et voilà, quoi. J'ai commencé la voile d'abord pour me faire plaisir avec mes copains. Et puis j'ai vu l'arrivée de la Route du Rhum en 90. Voilà, j'avais 10 ans sur les pontons de Pointe-à-Pitre. Et voilà, j'ai vu ces grands bateaux, ces skippers que je voyais finalement que dans Voiles et Voiliers. Et puis voilà, ça m'a un peu fasciné. Je pense que dans toute passion, il y a un moment où ça naît d'un événement un peu spécial. Et puis moi, c'est cette Route du Rhum en 1990. Et je me suis dit, tiens, un jour, j'essaierai de faire une Route du Rhum. Et puis voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. Alors c'est sûr qu'après, j'ai persévéré plutôt dans la voile légère et la voile paralympique. Et je suis très fier de mon parcours. Et quand j'ai eu l'opportunité en 2005... Trois médailles olympiques, c'est compliqué de pas en être fier. Et quand j'ai eu l'opportunité en 2005 de commencer à faire un peu de course au large, voilà, j'ai essayé, j'ai fait un peu de Figaro, et puis après je suis passé 2009 sur classe 40, et voilà, en 2010, 20 ans après avoir vu la Route du Rhum, je prenais le départ de cette fameuse course pour rentrer un petit peu à la maison à la voile, quoi. On peut dire ça comme ça. Et puis voilà, je me suis rendu compte que c'était un effort qui me plaisait bien, que j'aimais bien être tout seul sur un bateau, prendre le large. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas persévérer. Donc voilà, depuis, j'en ai fait 3 de Route du Rhum et je suis passé du classe 40 à l'IMOCA. Donc voilà, les choses suivent leur cours. Tu lui as parlé de 2005, le Figaro. Il y a un épisode un peu déterminant aussi dans ton parcours en 2005, au moment de la solitaire. On t'a refusé ton inscription à cause d'auto-handicap, c'est ça ? Ouais, voilà, en 2005, c'est vrai que mon entrée dans la course au large s'est faite un peu de manière violente. C'était ta première course, en fait ? Ouais, voilà, j'avais loué un bateau et je m'entraînais pour essayer de participer à la solitaire du Figaro en 2005. Et c'est vrai que voilà, j'ai été refusé de manière un petit peu violente. Hein. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris sur le coup, en tout cas sur la façon dont ça s'est passé, hein, que mon cas pose débat et que ça puisse inquiéter entre guillemets certaines personnes, ça je pouvais complètement le comprendre, mais en même temps voilà, la façon dont s'est passé les choses, avec un peu de recul, ça aurait jamais dû se passer comme ça. Je veux dire, on est arrivé dans une situation qui était assez compliquée, et donc voilà, moi je me suis vraiment battu pendant un an pour faire un petit peu valoir mes droits, ne serait-ce que de pouvoir montrer que j'étais capable de faire ce sport-là. Et donc voilà, j'ai persévéré, et voilà, j'ai fait ma première solitaire du Figaro du coup un an plus tard, en 2006. Et c'est vrai que de cette aventure un petit peu compliquée, voilà, est né un vrai sens dans ma navigation, quoi. J'ai créé l'association des pieds et des mains qui est toujours sur le bateau aujourd'hui, qui mène des propres actions à côté. Mais voilà, c'est devenu aussi mon symbole, ma particularité, de toute façon, dans le monde de la course au large. Et c'est vrai que cette histoire, je l'ai commencé à l'écrire comme ça en 2005. Et puis là, je vais essayer de terminer un beau chapitre sur ce Vendée Globe. Donc voilà. Et puis derrière moi, j'ai toujours l'idée de... voilà, de montrer aussi à mes détracteurs de l'époque que bah voilà, aujourd'hui, je vais être au départ d'un Vendée Globe et je vais tout faire pour être à l'arrivée aussi. Donc ce sera une belle victoire si j'y arrive. Oui, parce que Stéphane le disait d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de valide. La course au large, c'est le dépassement de soi. Et le dépassement de soi, ça peut correspondre à n'importe qui. Quoi de bon, on a tous nos challenges, hein, de toute façon. Hein. Et voilà, le mien, c'était de me faire accepter finalement comme un skipper comme un autre. Et c'est vrai que depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression d'avoir gagné ce pari-là. Et voilà, moi, je ne me suis jamais posé la question dans d'autres sens que ça. Si j'ai voulu faire de la course au large, c'était pour en faire avec tout le monde et contre tout le monde, sans me poser la moindre question. Donc voilà, il y a des gens qui n'avaient pas cette façon de voir les choses. Voilà, aujourd'hui, ça fait quelques années quand même où il n'y a plus trop de questions qui se posent. Et voilà, et moi, je suis content aussi parce que la porte que j'ai ouverte à l'époque, j'ai essayé quand même de prendre le soin qu'elle ne se referme pas derrière moi, de ne pas être une exception. Et je suis content de voir que bah, là, il y a d'autres personnes en situation d'handicap qui préparent la Mini Transat. Il y en a d'autres qui l'ont déjà faite. Il y en a qui vont arriver sur des projets classe 40 aussi. Donc voilà, c'est super parce que peut-être qu'avoir des personnes handies sur des bateaux de course au large, ça deviendra aussi partie du paysage aussi un jour. Tu as parlé de ton association rapidement. Elle existe parce que justement, les sports nautiques, ils sont encore trop difficiles d'accès aux personnes en situation de handicap. Oui, en tout cas, c'était le constat qu'on avait fait en 2005-2006. C'est vrai que moi, j'ai découvert un petit peu le monde paralympique, un petit peu par hasard. Et la première fois que je suis rentré en équipe de France, d'ailleurs, c'est dans l'équipe de France valide, pas du tout en équipe de France paralympique. Et voilà, je me suis dit, mais voilà, tu fais, Damien, t'es un sportif de haut niveau, t'as un handicap et tu sais pas qu'il y a de la voile aux Jeux paralympiques. Donc, si toi, tu le sais pas, il ne peut pas y avoir grand monde à le savoir. Et effectivement, c'était assez méconnu. Et donc, avec l'association, en fait, on a essayé de mettre l'accent là-dessus, de montrer que les sports nautiques, en général, peuvent être accessibles, quel que soit le handicap. Donc, cette association des pieds et des mains, on l'a créée dans cet objectif-là. Et aujourd'hui, elle travaille avec des clubs pour les rendre accessibles, pour pouvoir accueillir le maximum de public. On n'est pas là pour créer une activité, les handis d'un côté, les valides de l'autre, mais pour bien que tout le monde se retrouve sur l'eau et prenne du plaisir ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu ça, le leitmotiv. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que concrètement, sur ton bateau, il n'y a quasiment aucune différence, en fait. T'as pas un bateau très adapté à ta situation. Ouais, c'est quand j'ai commencé la course au large, la question s'est posée. J'ai tout de suite fait le choix, en fait, de faire, en fait, comme je fais depuis que je suis gamin. C'est plutôt moi de m'adapter aux situations plutôt que l'inverse. Donc là, c'est toi qui t'adaptes au bateau et c'est pas le bateau qui s'est adapté. Voilà, on a quelques adaptations dans le bateau. Voilà, sur l'IMOCA, c'est uniquement la colonne de winch, hein, le grinder, qui est adapté. Mais sinon, c'est le même bateau que les autres. Et c'est vrai que moi, il y a beaucoup de skippers qui me disent « Comment tu fais pour faire telle et telle manœuvre ?» Et j'ai toujours encore du mal à répondre à cette question-là. Je pense que même le grand public doit encore plus se poser la question. Oui, c'est normal et c'est très bien que les gens se posent des questions. Voilà. Donc moi, il n'y a pas de souci. Hein, venez naviguer sur le bateau. C'est difficile pour moi d'expliquer comment je fais parce que moi, m'adapter au quotidien, Stéphane, ça t'impressionne d'ailleurs quand tu le vois naviguer ? Mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En 2014, Damien se connaissait depuis 2011, le circuit classe 40. Et au début, c'était des courses en double, il y avait un peu d'équipage. Donc, voilà, j'avais pas réfléchi particulièrement à sa situation de handicap avec la main. Et puis arrive la route du Rhum, et là, je dis waouh! J'imaginais, en fait, je me suis retrouvé en situation, je me rappelle, où mon spi était passé à l'eau, etc. Et là, j'avais pensé à Damien, je me suis dit, mais comment je ferais? Comment fait-il? Et j'avais eu envie de lui témoigner à l'arrivée toute mon admiration par rapport à sa capacité à aller au-delà de cette petite différence. Mais depuis, en fait, j'ai envie de dire, moi, je suis passé complètement de l'autre côté. Donc, avec ce qui me concerne, tu as complètement gagné ton pari. C'est-à-dire que, voilà, Damien, il a cette particularité. Et puis, c'est complètement... c'est évacué, c'est-à-dire c'est un coureur comme un autre. Je repense à ça en vérité, et c'est parfois quand je l'entends parler ou je le crois, que je réalise que c'est d'autant plus admirable que peu de gens seraient capables de s'être adaptés comme ça à un environnement particulièrement hostile qu'est un bateau de course au large. On dit souvent que le Vendée Globe, c'est les Jeux Olympiques des skippers, parce que c'est tous les 4 ans, parce que c'est le plus grand événement, etc. Du coup, tu vas pouvoir faire la comparaison. Déjà, en amont, est-ce que c'est un peu le même type de sensation quand on approche d'un grand événement comme ça? Est-ce que c'est la même excitation? Oui, oui, voilà, le fait de sentir monter la pression, etc., de se fixer des objectifs, d'essayer de les réaliser, je pense que là-dessus, on est vraiment sur quelque chose de comparable. C'est propre à chacun, je pense, ce type d'émotion, mais moi, je ressens voilà, cette même excitation. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'être au Sable d'Olonne, de me retrouver un petit peu dans la bulle de fin de préparation. Ça va ressembler un petit peu au village olympique, un peu. Voilà, un petit peu au village, l'ambiance qu'on peut retrouver là-bas. Donc ouais, c'est quelque chose, je sais m'en nourrir, quoi. C'est pas quelque chose qui m'inhibe, au contraire. Je suis plutôt performant dans ces moments-là, quand c'est un petit peu compliqué et tout. Et ouais, j'ai hâte de vivre ça, parce que c'est à chaque fois, c'est des événements assez uniques. Hein. Moi, ouais, j'ai des souvenirs sur les 4 participations aux Jeux Paralympiques. J'ai des souvenirs dans les villages, voilà, la veille de régate, ou encore plus après sur les podiums. Ouais, c'est quelque chose de génial. Peu de monde ont la chance de pouvoir vivre ça. Et là, voilà, je vais vivre dans des univers assez différents les uns les autres. Mais tout ça, très, très enrichissant. Bon, pas de chance, les deux ont lieu tous les 4 ans, mais ils ont tous les deux lieu la même année, donc tu peux pas combiner jeux. Ça aurait été un beau challenge, essayer de doubler les choses, mais bon, là, il aurait vraiment fallu être un surhomme, et c'est pas mon cas. Et il y a 4 ans, en 2016, t'étais quand même venu sur le Vendée Globe, je me souviens, avec le reste de l'équipe olympique. Il y avait Charline Picon, notamment, les médaillés, notamment de l'époque de Rio, étaient venus sur le village du Vendée Globe pour signer quelques autographes. Et peut-être rencontrer d'ailleurs quelques skippers. Quel souvenir tu gardes de ça ? Est-ce que déjà tu te projetais un petit peu ? Est-ce que tu te disais, ah, dans 4 ans, moi aussi je serais peut-être là à Port-Olona, mais cette fois sur un bateau ? Ouais, je savais à cette époque-là que j'avais envie de monter un projet mondial. On avait commencé à l'écrire et voilà, je m'étais dit, alors, dans 4 ans, il faut absolument que j'ai mon bateau dans le port des Sables d'Olonne. Et voilà, pour moi, le compte à rebours, il s'est lancé à ce moment-là. Et c'est vrai que de voir tous les bateaux au sable, j'ai vécu le départ, voilà, le long du chenal, après sur l'eau, je vous ai regardé partir, Stéphane, et tous. Et puis voilà, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je sois là dans 4 ans. Et voilà, il faut des. Voilà, je pense que je suis quelqu'un qui marche énormément à la motivation, et ce jour-là, ça m'a mis un gros coup de boost. Ouais. Stéphane, je l'ai dit tout à l'heure, avant d'être navigateur à temps plein, tu as aussi été ingénieur. Tu as travaillé longtemps comme cadre chez Bureau Veritas dans les énergies marines renouvelables, avant de te consacrer à 100% depuis 2015 à tes projets Vendée Globe et à la course au large, évidemment. Mais indiscutablement, ce profil, ce parcours professionnel, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup aujourd'hui dans ton projet. Ça fait partie complètement de ma vie, l'aspect technique des navires. Moi, quand j'ai souhaité être ingénieur, c'est parce que j'étais passionné par la navigation, mais aussi par la technique des bateaux. Et j'avais envie de tout comprendre, tout savoir, comment c'était fait, comment on pouvait les faire évoluer. Donc c'est pour ça que je suis allé vers ces études. Et puis après, chemin faisant, j'ai rajouté le volet environnemental. Tu disais qu'en 2016, tu n'avais pas réussi à monter un projet sur cet aspect-là de protection de l'environnement. Oui. Tu as réussi en 2020, ton bateau va même porter le nom de ce projet-là et pas le nom de tes sponsors, c'est oui. Quand même pas anodin. Ça, c'est une vraie réussite pour toi, t'es très fier de ça? Oui, j'en suis fier, bien sûr, parce que ça permet de communiquer autour de valeurs qui me sont chères, à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, et d'avoir rallié des partenaires autour de ces valeurs. Et forcément, c'est une source d'épanouissement, parce que quand je suis sur mon bateau, j'en suis très heureux. Mais je suis aussi heureux quand on me donne la possibilité, comme aujourd'hui, de m'exprimer à un micro, de parler de l'environnement et de peut-être réveiller certaines consciences ou donner certaines envies à d'autres. Tu as 3 sponsors principaux, la ville de Boulogne-Billancourt en région parisienne, où tu vis une bonne partie de l'année et elle t'accompagnait déjà en 2016. Et les 2 autres, ce sont de nouveaux sponsors et ce sont 2 gros groupes, Bouygues Construction et Suez. Alors, on t'attaque, entre guillemets, parfois sur le fait que ces sociétés-là ne sont peut-être pas irréprochables en termes de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, ou bien, justement, qu'elles font un peu du greenwashing, c'est-à-dire qu'elles essayent de se donner une image marketing un peu plus verte que ce qu'elle n'est réellement. Comment, toi, tu réponds à ça ? Une entreprise de bâtiment, pour prendre Bouygues, la volonté des dirigeants, c'est d'introduire de plus en plus de constructions bois. Il y a eu tout un tas de recherches qui sont en cours pour savoir est-ce qu'on est capable de fabriquer des murs en terre cuite à partir de terres qui sont excavées quand on creuse un tunnel, par exemple, etc., etc. Donc il y a une volonté très forte au niveau de Bouygues Construction, Bouygues Bâtiment et Suez de travailler, d'œuvrer pour cette transition vers le développement durable, mais tout seul. Ils peuvent rien faire non plus parce qu'ils sont au cœur d'un marché. Et donc ce marché, c'est aussi nous derrière, le consommateur, qui devons aussi prendre des décisions quotidiennes dans nos achats et autres qui incitent les entreprises à aller vers là parce qu'il faut de la demande pour qu'ils puissent y répondre. Donc ce que j'ai envie de dire aux détracteurs, c'est que c'est une chance exceptionnelle d'avoir des grands groupes français qui sont investis dans cette démarche parce que justement l'effet de levier est très important. Mais on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de nos bateaux. C'est pas si simple, voilà, et c'est justement l'évolution qu'on doit apporter sur nos bateaux illustre les challenges qui sont les leurs, et donc c'est-à-dire arriver à intégrer le paramètre environnemental sans altérer la performance et en préservant le modèle économique. Là où leur engagement est fort aussi, c'est que ni la ville de Boulogne-Billancourt, contrairement à il y a 4 ans, ni Bouygues, ni Suez ne donneront leur nom à ton bateau. Ton bateau portera le nom de Time for Oceans. C'est eux qui ont décidé ça? Non. C'est toi qui leur as demandé. Oui, ça faisait partie du deal, en fait. Oui, tout à fait. Alors, bon, après, j'y suis allé progressivement dans l'échange, mais moi, très rapidement, j'aurais expliqué ma conviction très forte de communiquer autour de valeurs. Et puis, en leur expliquant que, de toute façon, puisqu'ils étaient intégrés dans ces démarches-là, que le meilleur moyen pour eux pour de valoriser ces engagements qu'ils prennent, c'est de ne pas communiquer sur leur marque directement, mais bien autour d'un projet qui porte des valeurs. Autre volet de ton engagement en faveur de la protection des océans notamment, tu fais partie des skippers ambassadeurs de la Commission océanographique internationale de l'UNESCO. C'est-à-dire que tu vas encore un peu plus loin et tes courses permettent aussi de récolter des données en mer pour les scientifiques. C'est ça l'idée du partenariat? Oui, au début c'est amusant parce que moi quand j'avais suivi une Barcelona, donc un tour du monde en double en IMOCA il y a quelques années, c'est la première fois que j'avais entendu parler de skippers qui embarquaient du matériel de mesure qu'ils jetaient à la mer. Et en toute franchise, je me suis dit au début, mais c'est quoi encore cette opportunité de communiquer avec un truc qui sert à rien, comme si on avait besoin de nous pour aller prendre des mesures. Voilà, je caricature évidemment. Et mon avis a complètement changé depuis, parce qu'en discutant avec les scientifiques, toujours se méfier de ses a priori, donc plutôt que de rester sur cette espèce de jugement infondé, j'ai discuté avec des scientifiques et je me suis rendu compte que c'est tout l'inverse. Qu'en fait, il y a beaucoup de zones, notamment les mers du Sud, où on manque cruellement d'informations. Quand j'ai réalisé qu'en fait on rendait un véritable service à ces scientifiques et que pour nous sur un bateau quand même c'est pas grand chose, même si on est des malades mentaux de la chasse au poids, amener 20 kilos de plus, c'est au début c'est un petit choc, mais puis après passer cette première réaction, on se dit après tout j'amène une bouée, j'ajette à la mer à la position qui m'est donnée quelques jours plus tard, et c'est quand même un geste facile à mettre en œuvre, utile. Donc il n'y a plus hésité. Donc c'est pour ça que je me suis ensuite investi avec l'UNESCO dans cette mission. Et puis pour parler de la suite, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais donc tu penses déjà toi à 2024 avec déjà un projet. Je pense que tu es le skipper qui a déjà le plus travaillé sur son projet 2024 et parce que c'est un gros projet. L'idée c'est de faire donc un bateau 100% vert. Alors c'est on a effectivement beaucoup avancé avec toute l'équipe et en ce sens le confinement nous a un peu aidés. Parce qu'on a eu plus de temps encore qu'on avait imaginé à investir là-dedans, donc on a beaucoup beaucoup avancé. Donc on a aujourd'hui carrément un design de bateau. Alors c'est pour dire une première version. Et notre démarche a été de concevoir le bateau le plus performant possible. Et à chaque fois qu'on faisait varier un paramètre qui intègre une fibre naturelle, intégrer une fibre naturelle, une résine biosourcée, quelque chose comme ça, on faisait une analyse de cycle de vie, donc pour bien mesurer l'impact environnemental, est-ce qu'il y a vraiment un gain ou est-ce que c'est illusoire, et on évaluait l'impact sur la performance du bateau. Donc là, on a un projet qui est extrêmement bien ficelé pour la suite. Et l'étape suivante, en 2021, c'est de construire 10-20 mètres carrés de panneaux. Ensuite, de le casser pour vérifier les propriétés mécaniques. Et de tester la capacité à recycler de cet ensemble. Et si donc on valide bien toute cette étape-là, eh bien, l'étape suivante, ce sera la construction d'un bateau. Alors, en aucun cas, il sera 100% vert. Je serais tenté de dire que 100% vert, en vérité, ce serait de rien faire. Voilà, c'est comme le transport, hein, voiture électrique, quoi que ce soit. Ce qui a le moins d'empreintes, bah, c'est de ne pas se déplacer, etc. Mais alors, si on va dans cette démarche, en gros, à la fin, c'est plus vivre. Donc, ça, c'est un petit peu gênant. Donc, la démarche, elle est bel et bien de voir comment on peut continuer à faire de la course au large en minimisant l'impact et en donnant sans doute des idées, des pistes pour que les constructeurs industriels français, qui sont quand même leaders de la construction de bateaux de plaisance dans les bateaux à voile, eh bien que peut-être que demain, ils pourront s'inspirer de certaines choses pour modifier leur production. Bon, on l'a compris, Stéphane, il est complètement convaincu de l'intérêt et de l'importance du Vendée Globe pour faire passer des messages. Damien, c'est quelque chose que tu ressens déjà toi aussi, que c'est un super moyen de porter de manière très large un message fort et un engagement fort. Et d'ailleurs, je crois que ton sponsor, Groupe Apicil, est lui aussi très fier et très investi de porter ce message et ce projet avec toi. Oui, oui, la relation avec le Groupe Apicil, elle s'est construite autour du message simple de l'intégration, de l'inclusion, de la lutte contre les vulnérabilités, finalement de la reconnaissance de chacun dans notre société. Et voilà, moi, par mon parcours sportif, j'ai prouvé une capacité d'adaptation. En tout cas, voilà, j'ai essayé de trouver une place à laquelle personne n'aurait forcément vu au départ. Et donc voilà, c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur un message assez simple et assez lisible au final pour tout le monde. Donc voilà, l'idée, c'est de se servir de cet événement comme un catalyseur, comme une prise de conscience. C'est assez facile de pouvoir s'exprimer du coup à un public qui est beaucoup plus large que ceux qu'on a l'habitude de toucher. Pour finir, à la fois sur le message et sur le côté sportif, évidemment, ce sera quoi un Vendée Globe réussi pour toi ? Bonne question. Un Vendée Globe réussi, ouais, ce sera un Vendée Globe où je serai dans le journal des Sables d'Olonne au retour. Voilà, parce que malheureusement, Stéphane ça l'a vu sur le dîner Vendée. C'est pas parce qu'on est au départ qu'on est à l'arrivée. Et il y a plein de choses qui vont se passer. C'est évident. Hein, c'est voilà, un Vendée Globe réussi, forcément, ça veut dire d'entrevoir la ligne d'arrivée à un moment. Et puis voilà, de se faire plaisir sur l'eau, d'avoir le sourire, ça. Je pense que tous ceux qui sont dans le chenal l'ont, de toute façon. Stéphane, même question. Un Vendée Globe réussi d'un point de vue sportif et d'un point de vue du message dont on a longuement parlé. Un Vendée Globe réussi, ce serait un Vendée Globe où j'ai le sentiment, au niveau sportif, d'avoir tout donné, d'arriver fatigué, mais dans le bon sens du terme, en ayant vraiment le sentiment d'avoir jeté toutes mes forces dans la bataille, d'avoir fait de mon mieux et d'avoir aucun regret. Et après, qu'importe finalement le résultat qui ira avec ça, si cet objectif est atteint. Ensuite, au niveau du projet, le Vendée Globe, il sera réussi si on a réussi à sensibiliser du monde autour d'actions concrètes et que, voilà, même on ne saura jamais véritablement quantifier ce que les personnes qui vont suivre le projet vont en retirer et qu'est-ce que ça va changer dans leurs gestes quotidiens. Mais je pense que notamment avec les enfants, on a fait beaucoup de choses. On a lancé un site dédié qui s'appelle Kids for Oceans et qui permet de s'adresser à eux avec du contenu spécifique. Et donc, je me dis que peut-être que si on sensibilise les enfants à des petits gestes du quotidien et qu'ils obligent leurs parents à se passer de bouteilles en plastique, par exemple, on aura réussi sans doute à contribuer modestement à cette prise de conscience. Bon, les messages, je n'en doute pas, ils seront passés. Donc, on vous souhaite à tous les deux de boucler le Vendée Globe. Ce sera ça, le Vendée Globe réussi pour tous les deux. Merci Stéphane, merci Damien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour parler et défendre ces messages que vous portez tous les deux. C'était une très belle manière de refermer cette série de 5 podcasts. C'était le dernier épisode. Mais si vous avez raté les 4 précédents, il est encore temps de les écouter. Ils sont toujours dispo évidemment sur toutes les plateformes habituelles. On y parle du couple Samantha Davies, Romain Athanasio dans l'épisode 1, des femmes de la flotte avec Alexia Barrier et Clarisse Kremer dans l'épisode 2, des parcours très opposés de Manuel Cousin et Alain Roura dans l'épisode 3 et des copains vendéens Sébastien Simon et Benjamin Dutreux dans l'épisode 4. Une série donc dignement complétée par cet épisode 5 avec Stéphane Le Diraison et Damien Séguin. Merci beaucoup à Stéphane de nous avoir accueillis aujourd'hui. Un grand merci aussi à celles qui ont permis l'organisation de cette rencontre, Solène Noyau et Aurélie Barga. J'espère que ce numéro et tout ce podcast vous a plu. Je vous encourage à continuer le partage via vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre également le compte Twitter CapVG20 car il va encore se passer beaucoup de choses dans les mois à venir. Et puis pour refermer cette aventure qui dure depuis plusieurs mois maintenant, je voudrais faire une belle dédicace aux deux personnes qui ont travaillé dans l'ombre à la réalisation de ce podcast, Mathieu Viguier du studio Cude et Louis Chabin. Un grand merci à eux. À très vite.